Chapitre 38e. L'opération du rein se passa très bien, et 3 mois plus tard, Jason sortait de la clinique et reprenait sa place au sein de sa famille. Entre-temps, les avocats faisaient l'impossible pour que Marina obtienne sa liberté. Ce ne fut pas simple. Philippe Leroy avait déposé une plainte au tribunal pour abandon du domicile conjugal. Robert enrageait. Il ne pouvait même pas le flanquer à la porte de la société. Monsieur Leroy était un employé modèle, toujours à l'heure et ne rechignant pas à faire des heures supplémentaires. Robert obtint néanmoins satisfaction. La jolie secrétaire de Philippe était toujours sa maîtresse. Par le plus pur des hasards, Robert entendit en passant devant le bureau de Philippe une conversation téléphonique. Ce dernier donnait rendez-vous à sa secrétaire dans une auberge réputée discrète à la sortie de la ville. Au nom de Marina, il prévint un huissier, et le soir même un flagrant délit d'adultère fut dressé. Philippe était fou de rage, mais impuissant, et devant les faits qui l'accablaient, dut signer les papiers requis pour le divorce. Marina était enfin libre. Robert se hâta de regagner la propriété d'Honfleur, où le couple coulait des jours paisibles, mais dans l'angoisse d'obtenir ce qu'ils désiraient si ardemment l'un et l'autre. Lorsqu'il entra ce soir-là, un large sourire aux lèvres, il tendit une liasse de documents à Marina et sortit aussitôt une bouteille de champagne. Lorsque la jeune femme eut pris connaissance des papiers, Robert lui tendait une coupe du précieux breuvage. Je n'arrive pas à y croire, c'est vrai. Je suis libre, Marina. Entièrement libre, fit Robert. La jeune femme se précipita sur lui et lui planta un gros baiser sonore sur la joue, puis se reprenant en rougissant. Oh, pardon, je suis désolée. Pas moi, répondit Robert en riant. Je dois avouer que cela n'était pas du tout désagréable. Mais qu'en pense mon fils? C'est encore grâce à toi ce bonheur qui arrive. Bah, ce n'était pas grand-chose. Cet imbécile s'est fait piéger bien facilement. J'ai décidément beaucoup de dettes envers toi, fit Jason en donnant une grande accolade à son père. Tu ne peux pas savoir le plaisir que cela me procure. Vois-tu désormais si la prochaine intervention se passait aussi bien que celle-ci, et à condition d'avoir un donneur, la première chose que je ferais serait d'épouser la femme de ta vie, continua Jérémy, qui venait de rentrer en pointant son nez, en ayant entendu la fin de la conversation. On peut l'espérer, mon frère, d'autant que quelque chose me dit qu'une bonne nouvelle ne vient jamais seule. Il regarda son père, puis Marina, faisant à cette dernière un petit signe discret. Voulez-vous m'excuser un instant, dit-elle en s'éloignant. Pendant que le père et le fils continuaient à se congratuler, elle suivit Jérémy à la cuisine. Alors, demanda la jeune femme impatiente. Tout d'abord, félicitations. C'était inespéré que cela se passe aussi bien et aussi vite, mais parlons plutôt de ce que tu voulais me dire. Marina, fit Jérémy, se rapprochant de la jeune femme. Tu veux vraiment faire cette greffe? Tu n'as pas changé d'avis? C'est tellement dangereux. Je n'ai pas changé d'avis et n'en changerai pas. Cela voudrait-il dire que tu es compatible, oui. C'est génial. Et elle fit la même chose qu'elle avait faite à Robert. Instinctivement, Jérémy l'enlaça à sa bouche et se posa un bref instant sur celle de la jeune femme qui recula immédiatement. Jérémy, je ne m'excuserai pas, Marina. Il ne fallait pas me sauter au cou comme cela. Je suis heureux pour vous et je souhaite que cette future opération soit la dernière et que tout se passe pour le mieux. À présent, excuse-moi, je vais me changer. Elle revint dans le salon où les deux hommes continuaient à bavarder paisiblement. Darling, je suis heureux. Je pense que tu vas partager ma joie. J'ai un donneur pour le foie. Marina dut feindre la surprise. C'est formidable, mon amour. Nous pourrons peut-être enfin vivre notre vie une fois que tous ces problèmes seront résolus. Tu connais le donneur? Lui demanda-t-elle avec une certaine inquiétude. Non, mais je ne le remercierai jamais assez. Tu sais, il ne faut pas non plus crier victoire trop vite. Cette intervention est délicate, beaucoup plus que celle du rein, et je risque gros. On n'y pense même pas. Je suis certaine que tout se passera très bien. Effectivement, la greffe se déroula un peu mieux, et 2 mois plus tard, Jason réunit de nouveau toute sa famille dans leur grande propriété d'Honfleur. Le salon regorgeait de magnifiques roses rouges baccarat qui sublimaient la pièce. Un traiteur avait dressé un buffet digne d'un roi pendant que Marina avait été envoyée faire quelques courses avec Robert et Jérémy. Jason se prépara à la demande la plus importante de sa vie. Il avait choisi le jour anniversaire de leur rencontre, le 5 septembre. Vêtu d'un costume croisé gris perle, cravate assortie, Il sortit un écrin de sa poche et admira le somptueux solitaire qui y brillait. Cette bague symboliserait leur bonheur, mais rien n'aurait été trop beau pour la femme qu'il adorait. Lorsque Marina revint à la maison, à peine la porte d'entrée franchie, qu'elle resta éberluée. Toutes ces roses. Dieu serait-il devenu fou? La chanson qui sortit à ce moment-là de la chaîne stéréo fit remonter en elle de tendres et chauds souvenirs. C'était leur chanson, celle où Jason lui avait demandé la toute première fois de danser avec elle pour pouvoir enfin la serrer dans ses bras. Elle s'aperçut d'un seul coup en entrant dans le salon que non seulement toute la famille y était réunie, mais que Jason paraissait nerveux et gauche. Je peux savoir ce qui se passe et ce que vous mijotez? Nous ne sommes pas dans le coup pour une fois, répondit Jérémy. Tu dois demander des explications uniquement à Jason. Marina se retourna donc vers le jeune homme qui lui tendit la main. Voudrais-tu avancer et venir t'asseoir ici? Elle fit ce qu'il lui demandait et avant qu'elle n'ait pu comprendre ce qui lui arrivait, Jason mit un genou à terre et la voix légèrement chevrotante lui demanda: Marina, tu es la femme de ma vie. Tu sais combien je t'aime. Les médecins ont déclaré il y a 3 jours que mon espérance de vie désormais était celle de tout homme normal. Marina, mon âme, veux-tu devenir ma femme? La gorge serrée par l'émotion, Marina sentit les larmes couler sur son visage. Elle avala plusieurs fois avant de pouvoir répondre à son cher amour. Je n'attendais plus que ça, mon amour. Oui, je le veux plus que toute autre chose au monde. Dans les yeux de Jason brilla une lumière si ardente que Marina se jeta dans ses bras et qu'ils conclurent leur pacte d'amour par un baiser sulfureux. Ils n'entendirent même pas les félicitations, les congratulations que Robert, Jérémy et Mike s'empressèrent de leur donner. Ils étaient déjà dans leur monde, celui où tout peut arriver, si la volonté, le courage et surtout l'amour sont au rendez-vous. Le mariage fut fixé 10 jours plus tard. Pourquoi attendre davantage? Mais il fallait bien que les documents soient prêts, et cela était indépendant de leur volonté. Ce jour-là étaient prévus les derniers essayages pour Marina et Jason. Ils décidèrent de partir de bonne heure et de se rendre une fois sur place, chacun de leur côté dans leurs boutiques respectives, la robe de mariée ne devant en aucun cas être vue par le marié avant la cérémonie. Le témoin, en l'occurrence Jérémy, devait accompagner Marina. Ils devaient ensuite se retrouver au salon de thé pour une légère collation avant de rentrer avec tous leurs achats. Rejoignant enfin leur voiture, main dans la main, Jason s'impatienta. Mais que fait donc Jérémy? Mon amour, il a tellement de paquets à porter. Laisse-lui un peu de temps. La vendeuse, avant que je ne parte te rejoindre, m'a dit qu'il y en avait encore quelques-uns à emballer. Je pense qu'il ne va plus tarder à présent. Tu as raison, mais j'ai hâte de te serrer dans mes bras. Et ici, il y a décidément trop de monde. Bon, il nous rejoindra. Ils descendirent au deuxième sous-sol du parking où la voiture était garée. Jason vola un baiser à Marina avant de lui ouvrir la portière. À ce moment-là, surgit devant eux Philippe le Roi, l'ex-mari de Marina. Un Philippe débraillé, parasé, qui tenait un revolver dans sa main. Salut les amoureux, tout va comme vous le voulez? Philippe, s'écrièrent les jeunes gens d'une seule voix. Eh oui, ce bon vieux Philippe que l'on n'attendait plus, le revoilà. Je suis extrêmement fâché, je dois l'avouer. Non seulement vous m'avez eu avec le divorce, mais en plus, je n'ai même pas été invité à votre mariage. J'avais pourtant un beau cadeau pour vous, monsieur Emerson. Philippe, que veux-tu vraiment? Demanda Marina, tremblante de peur. C'est fini, Philippe, tu le sais. Alors, oh, je suis désolée, Marina, je n'ai rien prévu pour toi. Mais pour ton cher Jason. Il arma le revolver et le pointa sur le jeune homme. Non, ne refusez pas, dit-il ironiquement. Cela va me faire tellement plaisir. De toute façon, je ne vais pas m'attarder. Marina m'enverra ses remerciements plus tard. Mon avion décolle dans 1 heure et, à propos, Marina, tu devras remercier également mon cher patron. Je lui ai emprunté quelque argent de sa chère banque et mis le tout sur un compte à mon nom. Je vais quitter le pays, bien sûr, mais si tu veux venir, il n'est pas encore trop tard. Jason fit un pas en avant. Espèce de sale, allez-y, je n'attends que ça. À vrai dire, je me délecte déjà. Il tourna le revolver vers Marina. Tu te décides, ma jolie? Tu ne peux pas faire ça, Philippe. Tu iras en prison. J'ai bien trop calculé mon coup, ne t'inquiète pas pour moi. Bon, à présent, je dois vous laisser. L'avion n'attendra pas. Il recula et allait faire demi-tour lorsque brutalement il fit de nouveau volte-face. Oh, j'oubliais votre cadeau, cher Jason. Au moment précis où il appuyait sur la détente, Marina se jeta devant Jason et reçut en pleine poitrine la balle destinée à son amant. Jason bondit sur Philippe. S'ensuivit une lutte acharnée et un autre coup de feu fut tiré. Jason vacilla, tomba à genoux et Philippe s'enfuit. Jason se traîna jusqu'à Marina. Mon amour, gémit-il. Mon âme. Je t'aime. J'ai si froid. Jason se pencha sur la jeune femme. Cette dernière était glacée et une grande mare de sang se répandait sous elle. Je vais mourir. Tu n'as rien. Je suis touché, moi aussi, mon âme. Je crois que je vais te rejoindre. Nous allons partir ensemble alors. C'était trop beau. Nous allons nous rejoindre et dans une autre vie, nous nous aimerons encore, à jamais. Tu es sûr, mon amour? Certain. Approche-toi, je voudrais t'embrasser une dernière fois. Jason rampa jusqu'à la jeune femme et dans un dernier baiser, ils plongèrent dans l'inconnu. Tout joyeux, sifflotant gaiement, des paquets pleins les bras, Jérémy se hâtait vers le parking. Il entendit la pétarade et une galopade, mais ne s'en préoccupa plus sur le moment. Seulement, il vit passer en trombe une automobile qui le frôla de près. Après avoir aperçu le conducteur, il lâcha d'un seul coup tous les sacs qu'il portait et se mit à courir. Arrivé à la voiture de Jason, il en fit le tour et découvrit le macabre spectacle. Il ne pouvait plus rien faire pour les sauver. Il hurla. Non, non, pas ça. Jason, Marina. Il s'écroula à genoux, pleurant sur les deux corps sans vie réunis dans la mort. Jérémy savait qui était le meurtrier. Très abattu les premiers jours, il restait aussi prostré que son père. Un matin, il se leva, décidé à faire justice lui-même. À la banque Emerson, il rechercha pendant toute une semaine l'argent qu'avait détourné ces tordures qu'était Philippe le Roi. Enfin, un soir, rentrant à l'appartement, épuisé, éreinté, mais confiant, il vit son père affalé sur le canapé du salon, les yeux rougis d'avoir tant pleuré son fils préféré. Il se rapprocha de lui. Je sais où est l'argent, donc je sais aussi où se trouve cette vermine. Aide-moi. À quoi faire, mon fils? Répondit Robert, lassé. Jérémy se pencha vers lui, une haine farouche au fond des yeux. Je ne vis plus que pour le tuer. Tu as peut-être baissé les bras, à moi jamais. Et où est-il? Là où nous n'aurions certainement pas pensé à aller le chercher, du moins le croit-il. Chez nous, père, aux États-Unis, ou plus exactement à New York. Je sais, tu vas me dire que de le retrouver dans cette ville de plusieurs millions d'habitants est une gageure. Alors je te répondrai que de toute façon, je n'ai que cela comme but dans ma vie. Je le retrouverai, je te le promets, et je le châtierai de mes propres mains. Tu iras en prison, mon fils, si tu fais justice toi-même. Je ne veux pas perdre l'unique enfant qui me reste. Je suis désolé, père, mais ma décision est prise. Ensuite, si je dois faire de la prison, j'en ferai. Mais je reviendrai ici, tôt ou tard. M'attendras-tu, papa? Robert, abattu, se tourna vers son fils. Tu sais que je ferai le maximum pour que ta peine soit allégée. Mais t'attendre, je ne sais pas si je pourrai, je suis vieux et fatigué. Jérémy se redressa et prit son père dans ses bras. Leur étreinte fut désespérée, l'un comme l'autre sachant qu'ils ne se reverraient probablement jamais. Je te laisserai le manuscrit de notre famille dans notre coffre. Surtout ne l'oublie pas, mon enfant. C'est pour notre famille, le bien le plus précieux que nous ayons. Jérémy partit quelques jours après pour les USA. 3 mois plus tard, dans le New York Times, il faisait la une. Il avait retrouvé Philippe le Roi et l'avait tué de 2 balles dans le cœur. Il s'était aussitôt rendu à la police et son procès fut retentissant. Robert, vieilli prématurément, fit quand même jouer toutes ses relations pour éviter la peine maximale à son fils. Enfin, après avoir conclu aux circonstances atténuantes, il écopa de 6 ans de prison, qu'il passa dans le district de New York.